Ça fait plaisir d'être avec vous encore ce matin. Nous sommes mardi. Et ce matin, je vais vous demander de faire quelque chose avec moi. On va faire un petit voyage et on va aller à Cana. On va aller à Cana et on va aller aux noces. Donc, je vous invite à faire ça des fois si vous avez... Si vous sentez bien à faire ça, de vous imaginer être sur place avec Jésus, avec les disciples ou avec les foules. C'est intéressant. Et ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là. Je vais vous lire un verset. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, le but que Jean écrit ces miracles, c'est qu'on croit. C'est qu'on croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et le résultat va de recevoir la vie au nom de Jésus. Donc ce matin, c'est un de ces miracles-là. C'est le premier miracle que Jésus a fait, qui est enregistré dans les évangiles. Donc, allons le lire, si vous voulez bien, ce miracle qu'on connaît tous. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il vint, et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alors il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, « Maintenant, leur dit-il, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voulons que cet événement dans la vie de Jésus puisse nous amener à comprendre encore mieux qui il est. Et quel est le but de tout ce qu'il a fait? Jean le dit, le but c'est de prouver qu'il est le Christ, de prouver qu'il est le Fils de Dieu et qu'on ait la vie éternelle. Et ayant reçu cette vie, nous pourrons t'adorer et te servir en esprit et en vérité, comme tu le désires et tu le mérites. Que ces quelques instants ensemble puissent nous conduire là ce matin dans l'adoration et la louange. Amen. Donc, on est aux noces. Vous êtes parmi ces disciples-là. Hier, on a vu samedi les disciples qui étaient là. On a Jean, on a Jacques, on a André, on a Pierre, on a Philippe, on a Nathanaël. qui sont avec Jésus. On présume qu'ils sont là avec, parce que c'est les disciples qu'on connaît jusqu'à date, c'est ces six-là. Et ils le suivent. Donc Jésus est à Cana, dans cette ville-là, et qui n'est pas tellement loin de Nazareth, et il est invité aux noces. On ne sait pas pourquoi il a été invité. Il a-t-il été invité parce que c'était dans la famille? Peut-être. Marie était là. Peut-être qu'il était invité. Peut-être que c'était la coutume aussi d'inviter le village. Je ne sais pas. Ça, c'est l'occasion où est-ce que Jésus va manifester sa gloire. Et on va voir ensemble que quand Jésus manifeste sa gloire, ça pousse à croire. Donc, on est aux noces, vous êtes des disciples, vous êtes des, si vous étiez avec eux, et c'est les, vous êtes avec lui juste depuis 3 jours, parce qu'on a vu ensuite 3 jours après, là, sa rencontre avec les disciples, 3 jours après, ils sont là avec lui. Donc, ça ne fait pas longtemps qu'ils le connaissent. Et là, ils sont avec lui, ils sont autour de lui, et il manque de vin. Et Marie lui demande, Jésus lui dit, il n'y a plus de vin, ils n'ont plus de vin. Il semble que Marie voulait qu'il fasse quelque chose. Par la réponse de Jésus, on présume qu'elle veut quelque chose, ou qu'elle espère quelque chose. Mais Jésus lui dit, ce n'est pas à toi, femme, de me dire, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire? Mais après lui avoir dit cela, je crois que dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa grâce, il voit l'instinct de manifester sa gloire. Il voit une occasion de vouloir manifester sa gloire. Je ne crois pas que Marie n'a aucun mérite dans le fait qu'elle a fait le miracle. Mais que Jésus a décidé souverainement de manifester sa gloire à ce moment-là. Donc, on voit bien qu'est-ce qu'il a fait. Il prend de l'eau, 6 cruches, assez grosses. Ça ne pouvait pas avoir des petits galons parce qu'il n'y en aurait pas eu pour une noce. C'est-à-dire, gruche qui semble être assez volumineuse, qui pouvait contenir, à ce que j'ai pu lire, un 15-20 gallons chaque, peut-être. Et il décide de dire au serviteur, emplissez ces cruches d'eau, ces vases d'eau, emplissez-les bien plein. Et Marc et Mec, ils disent, ils les ont emplis au rebord. Je ne sais pas si Jean dit ça pour qu'il n'y ait pas de doute qu'il ait ajouté du vin dedans. Mais c'était déjà plein à rebord, donc il ne va pas rajouter rien. Et ensuite, il dit, allez mener le vin aux invités à la noce. Donc, les serviteurs commencent à servir le vin et on a différentes réactions. On a la réaction de l'ordonnateur. L'ordonnateur est surpris qu'on amène ce bon vin-là à la fin. Parce que la coutume, c'est qu'on sert le bon vin au début, quand les gens ont encore du goût, et quand les gens commencent à être un peu plus enivrés, on sert un peu du moins bon vin, et ils s'en aperçoivent moins. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour eux autres. Les serviteurs, eux autres, ils le savent aussi que Jésus a fait du vin avec de l'eau. Mais il ne nous est pas dit qu'ils ont cru. Mais les disciples, eux, au verset 11, Ils vont croire. Ils vont croire que ce personnage-là qu'ils suivent depuis 3 jours est quelqu'un de très spécial. Si vous aviez été là, assis à la table avec Jésus, et qu'on vous emmène de ce vin, que vous saviez bien comme il faut, vous êtes formel. Il y a quelques minutes, ce vin était de l'eau. Qu'est-ce que vous auriez pensé? Vous auriez été épaté, n'est-ce pas? Vous auriez dit, waouh, waouh, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Parce qu'ils sont loin d'être conscients encore qu'il est Dieu fait chair. Bien loin de là. C'est qui ce gars-là qui peut prendre de l'eau et faire du vin avec, instantanément? Et tout le monde sait que le processus de faire du vin, oui, il y a de l'eau dedans, mais il faut mettre des ingrédients. Et ça prend un certain temps, plusieurs jours, avant qu'il soit fermenté. Et lui, en quelques minutes, quelques secondes, il fait le meilleur vin qu'ils ont jamais goûté. Si on l'avait mis en bouteille, je ne sais pas comment ça serait vendu. Du vin divin. Cuvée très spéciale. Et verset 11 nous dit, « Il manifesta ainsi sa gloire. » Donc, le mot « gloire », qu'est-ce que ça nous dit? Il manifeste qui il est. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. Tu le vois, tu vois sa gloire. Sa gloire, ce n'est pas des rayons de soleil, ce n'est pas des rayons de lumière. Des fois, on voit des images d'un Jésus glorieux, puis là, on voit une auréole autour de sa tête, des rayons de lumière qui sortent. Ils n'ont pas vu ça, là. Ils n'ont pas vu d'auréole autour de sa tête, puis ni de rayons de lumière. Mais ils ont vu que cet homme-là était plus qu'un être humain. Et c'est une autre petite étape, un autre pas vers le fait de croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Ils sont convaincus maintenant que cet homme-là peut créer des choses, peut transformer des choses. C'est important pour nous de croire cela aussi. Parce que vous savez, s'il n'est pas capable de transformer de l'eau en vin, il ne serait jamais capable de transformer un mort spirituel en un vivant spirituel. Il ne serait jamais capable de prendre un mort et de le ressusciter. Il ne serait jamais capable de prendre notre cœur de pierre et en faire un cœur de chair. C'est en additionnant toutes ces petites choses, j'appelle ça des petites choses, en comparaison avec la grande chose. Parce qu'il dit, vous allez voir de grandes choses. C'est une petite chose en comparaison du miracle qu'il a fait en vous et moi. Mais si on ne croit pas le miracle des noces de Cana, on ne pourra pas croire le miracle qu'il a fait en nous. Et si vous êtes impressionné par un faiseur de vin, nous devrions être d'autant plus impressionnés, émerveillés du miracle qu'il a fait en vous. Et ce miracle-là qu'il a fait en vous confirme, vous donne la preuve du miracle qui va faire un peu plus loin, qui va compléter votre transformation en vous régénérant physiquement, en vous ressuscitant d'entre les morts, en où, si l'avènement arrive, et on va être enlevé, il va nous transformer en un instant. Comme il a transformé l'eau en vin, il va prendre votre corps malade, votre corps vieux, ratatiné, votre corps faible. Et en un instant, il va le transformer en un corps glorieux. C'est ça qui est merveilleux. Il manifeste la gloire, et cette manifestation-là nous amène à croire que quand il va dire « Je vais te ressusciter », on va le croire. On va le croire. Quelqu'un m'a déjà demandé, puis dit « François, comment se fait pour croire que Dieu a créé le monde à partir de rien? » Parce que je l'ai vu faire dans la Bible, pendant qu'il était sur la terre. Il a fait ces choses-là. Parce qu'ici, il a créé. Pas à partir de rien, mais à partir de l'eau, il a créé des choses. Tous les éléments que ça prenait pour faire du vin, il les a créés à partir de rien. Donc, le Seigneur a manifesté sa gloire et ça l'a amené les disciples à croire. En ce jour, Dieu va faire des miracles sur la terre. Il va faire des miracles. Il va en sauver encore des gens. Il va peut-être sauver des gens autour de vous. Et je crois personnellement qu'il est impliqué dans ma vie. Et parce qu'il va arriver dans ma vie encore aujourd'hui, ce qu'il veut, premièrement, c'est de m'amener à croire encore plus, plus loin, mieux qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Il veut que je comprenne encore mieux quelle sorte de vie il m'a donnée. La vie qu'il m'a donnée, c'est la vie spirituelle. Et cette vie me met en relation avec lui et avec son Père. Nous, on voit tout le temps le mot « vie » comme étant le ciel, d'être avec Dieu mais qu'on meurt. Mais la vie qu'il nous donne ici, parce qu'on croit, c'est la capacité d'être en relation avec lui. Tout à l'heure, j'étais en train de déjeuner et en m'assisant pour commencer à manger, j'ai juste pensé pendant quelques instants qu'il était assis sur l'autre chaise en face de moi et je lui ai dit merci pour la nourriture. C'est des petites choses simples de même de la vie qui fait qu'on croit qu'on a un grand Dieu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu as fait ce miracle ce matin, encore une fois, pour convaincre, je suis le Christ, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, je peux créer à partir de rien. Seigneur, afin qu'on n'utilise pas ce miracle pour essayer de dire, ben, il est capable d'en faire encore aujourd'hui, puis je vais lui demander qu'il en fasse dans ma vie aujourd'hui des miracles pour régler mes petits problèmes. Mais plutôt, qu'on puisse se servir de ce miracle par l'aide de ton esprit pour grandir, si je peux dire ici, dans la vie, dans notre relation avec toi. Et qu'on puisse te louer, te glorifier aujourd'hui à travers tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va comprendre que tu es en train de faire. Parce que tu es à l'œuvre. En nous, autour de nous et par nous. Glorifie-toi.